Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Aujourd'hui, les sorties proposées par les éditeurs pour avril 2010. D'abord, Albin Michel offre Le cœur de la Terre, troisième volume du cycle Autre monde de Maxime Chatham. Ils n'ont plus le choix. Il faut se battre ou mourir. De la survie d'Éden dépend celle des enfants, de leur union, l'avenir de cette étrange planète. Pour l'Alliance des Trois, l'épreuve ultime, la fin d'une longue quête, naissance ou mort de l'espoir. Le sortilège de Angie Sage, livre 5 de Magic, paraît chez Albin Michel Jeunesse. Ce livre est paru originellement en 2009 sous le titre Septimus Heap, Book 5. Sa quête accomplie, Septimus rentre à dos de dragon au château. Mais une terrible tempête au-dessus de la mer aux sept îles le précipite dans un bien étrange endroit. On y trouve un phare en forme de tête de chat qui a perdu sa lumière. Mais plus dangereux encore, Septimus entend un chant surnaturel qui l'envoûte. Quelle est la créature invisible qui l'ensorcelle peu à peu? Pour se défaire de ce sortilège, Septimus doit trouver qui chante si divinement à ses oreilles, sous peine de sombrer sous le charme. André-François Ruault, auto-édite Bodhisattva, tome 1. Il s'agit d'un ouvrage publié selon le principe des Vanity Press, cartonné avec toile grise, sous jaquette couleur et signé par l'auteur. Chez La Talente, on fait paraître Le filet d'Indra, de Juan Miguel Aguilera, paru originellement en 2009 sous le titre « La raide des Indra ». Un satellite militaire nord-américain a détecté un objet enfoui profondément sous le plateau Laurentien au Canada. Il s'agit d'une géode parfaite de 2 km de diamètre qui plonge les géologues dans la perplexité. Et ce mystérieux artefact a au moins 2 milliards d'années. L'armée US aménage une base scientifique près de cette incroyable découverte, pour essayer d'en percer les mystères. Tout se complique dès lors que le colonel Jim Conrad, en charge de la mission, s'aperçoit qu'un traître s'est infiltré dans son équipe. Conrad décide de faire appel à Laura, son ex-femme, et à Nico, l'assistant surdoué de celle-ci, physicien espagnol de renom, pour élucider l'énigme de la géode. Également chez La Talente sort Les pirates de fer de John Hilliot. Il s'agit du volume 2 de La quête de l'espérance. Après une période de repos dans l'oasis secrète des mystérieux hommes bleus du désert, Espérance continue sa route vers le sud par voie maritime. Isaïne l'ayant convaincu de prendre la mer à la grande surprise de Bayeux. Mais les mers sont le domaine des pirates de fer et de leurs terrifiants navires à vapeur carapassonnés de métal. On dit qu'aucun marin ni terreux fait prisonnier ne redescend vivant une fois monté à bord. Au diable Beauvert, on réédite Neverwhere de Neil Gaiman. Mingus Wizard et le mystère du château Caltrop de Ian Ogilvy paraît chez Bayard Jeunesse. Ce titre est le troisième volume du cycle de Mingus Wizard et a vu le jour en anglais sous le titre Missile in the Malachi. Bellefond lance le troisième volume de La Malédiction de l'Anneau, d'Edward Bracey, Le Trésor du Rhin. Voici venir le crépuscule des dieux. Voici sonner l'heure du Ragnarok. Un bûcher s'allume sur le Rhin, un autre est sur le point d'embraser le ciel. Un couple s'immole par le feu et les ases vont périr dans le brasier des dieux. Siegfried absorbe un filtre d'oubli concocté par Kriemhild, la princesse Burgonde, violant les serments d'amour et de fidélité qui le lient à la Valkyrie Brunehild. Les deux rivales s'affrontent au milieu des intrigues de cour fomentées par Hagen, le fils du Nibelung. Complot, crime, trahison, parjure, passion, jalousie et vengeance se succèdent tandis qu'Attila et ses Huns envahissent le royaume des Burgondes et que le palais céleste d'Asgard s'embrase, précipitant les dieux vers leur chute. L'anneau maudit du Nibelung peut alors rejoindre son berceau originel, les eaux du Rhin. Chez Bibliothèque Interdite sort L'armure de mépris de Dan Abnett, paru en 2006 en anglais sous le titre The Hammer of Contempt. Également à la Bibliothèque Interdite, Prophète Gris de C.L. Werner, paru à l'origine en 2009 sous le titre Grey Seer, et La prophétie Eldar de C.S. Goto, paru en 2007 sous Eldar Prophecy. Black Book sort Les loups du Riam de Philippe Tessier. Dans la collection Rivière Blanche de Black Coat Press paraît Le dernier homme de chair de Claude J. Legrand, un recueil de nouvelles, également une anthologie consacrée à la SF russe, Dimension Russie. Les dieux de Belsagot de Robert F. Howard, un recueil de nouvelles, voit le jour chez Bragelonne. Aussi chez Bragelonne, Le fantôme du souvenir de Terry Goodkin, volume 10 de L'épée de vérité, paru en anglais en 2006 sous Phantom, Ombre de K.J. Parker, volume 1 du cycle Charognard, paru en anglais en 2001 sous le titre Shadow, Prisonnier des étoiles de Eric Frank Russell, un recueil de nouvelles de SF, et l'intégrale de la trilogie de Stan Nichols, Vif Argent. Chez Buchet-Châtel sort Les mystères du temps de Jean-Pierre Bonnefoy, volume 1 de Polynésia. Il y a 2000 ans, après un tsunami, Taharoa, à bord d'une grande pirogue de voyage guidée par les dieux, engage son peuple dans une quête hasardeuse. Découvrir une île perdue dans le plus vaste océan de la Terre. De nos jours, Alpha et son compagnon voguent sur le Pacifique avec leur voilier, le Toa Marama. Ils quittent Tahiti pour la mythique Bora Bora. Mais pour quelles raisons mystérieuses font-ils soudain cap sur Apataki, un atoll isolé des Tuamotu? Au 51e siècle, les humains vivent à bord de vaisseaux stellaires qui ont essaimé dans la galaxie. Ankor, agent communicateur, est un jour chargé de transporter des informations sur le peuple polynésien. Il fera une découverte qui pourrait bouleverser l'avenir de l'espèce humaine. Jean-Claude Bologne fait paraître L'Ange des larmes chez Calman Levy. Le Christ recolle l'oreille du soldat mutilé et avertit son disciple « Celui qui use du glaive périra par le glaive. » Cela lui avait toujours semblé absurde. Le pêcheur du lac de Tibériade n'avait pas de raison de porter un glaive. Un couteau, en revanche, c'est plausible. Il reste que Saint-Pierre est mort crucifié, et non par le glaive. Une prophétie du Christ non avérée, cela fait désordre. Parce qu'une faute de l'archange Cassiel empêcha jadis cette prophétie de se réaliser, celui-ci fut condamné à errer en silence parmi les hommes jusqu'à ce que le glaive retrouve son fourreau, jusqu'à ce que le cycle de la violence prenne fin et que l'expérience humaine parvienne à son terme. Sa route va finir par croiser celle de Pierre, un jeune noble révolté pris dans l'exaltation du Paris d'après-Commune. Là, alors même que l'histoire, à moins que ce ne soit le baron Terragon, l'adversaire diabolique de Cassiel, décide du régime à venir de la France, et plus encore, Pierre va devoir choisir qui écouter, de l'ange des larmes ou du démon, pour accomplir sa destinée. Également chez Calman Levy, Attaque répertoriée, guide de survie en territoire zombie. Il s'agit de l'adaptation BD du guide de survie en territoire zombie. À la clé d'argent paraît Que la ténèbre soit, d'Anne Roussel, un recueil de nouvelles. De Noël réédite deux romans de Arkady et Boris Strugatsky, L'île habitée et Stalker ou Pique-nique au bord du chemin. Réédition de Pire que la mort de Charlene Harris chez Flammarion. Au fleuve noir, on nous offre le numéro 262 de Perry Rodden, L'agonie d'une galaxie, le volume 4 du cycle Star Wars de Clone Wars, Gambit infiltré de Karen Miller et Vegas Mytho de Christophe Lambert. Gallimard, dans sa collection Folio SF, réédite la trilogie de Loredan de K.J. Parker, par à l'origine chez Bragelonne. Les couleurs de l'acier, le ventre de l'arc et la forge des épreuves. Un recueil de nouvelles, Croque-mi-teinte de Michel Sébal, sort chez Glyph. Griffe d'encre publie une novella de Yann Marchand, Comme un poison dans l'eau. Maisy est une impératrice chinoise. C'est aussi le nom que Walter a donné à son poisson rouge. Majestueux et glacial, l'animal ne demande ni ne donne rien. Il est fascinant. Walter en tombe amoureux. Et leur histoire aurait pu durer 1000 ans, mais une rumeur circule en ville. Il y a un poison dans l'eau. Et voilà qui met fin à cette émission pour aujourd'hui. Nous poursuivrons demain notre liste des nouveautés pour avril 2010. Merci de votre attention. À bientôt.